les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. L'alchimie, ou l'art de transformer la matière, d'en séparer les composants nobles de ceux qui ne le sont pas. L'alchimie, c'est le sous-titre de l'émission qui va suivre, le 6e épisode d'une série de 8 consacrée à l'œuvre de Carl Gustav Jung. Alors pourquoi l'alchimie ? On sait qu'une des critiques de Jung consiste précisément à qualifier d'ésotérique son système intellectuel. On va voir ici qu'il n'en est rien, ou plus exactement, que l'ésotérisme peut être une clé de compréhension psychologique, à condition évidemment de savoir l'appréhender avec le degré de lecture qui convient. Carl Gustav Jung, ou la totalité de l'homme futur, une émission de Bernard Latour. Au sein de notre série d'émissions consacrées à l'étude de l'œuvre de Carl Gustav Jung, notre émission d'aujourd'hui porte le titre de l'alchimie. Pourquoi l'alchimie dans l'étude de la psychologie jungienne? C'est Carl Gustav Jung lui-même qui va nous répondre à travers un extrait de la dialectique du moi et de l'inconscient. Il nous apparaît aujourd'hui avec évidence que ce serait une impardonnable erreur de ne voir dans le courant de pensée alchimique, comme cela était trop facilement le fait, que des opérations de cornue et de fourneau. Certes, l'alchimie a aussi ce côté, et c'est dans cet aspect qu'elle fut les débuts tâtonnants de la chimie exacte. Mais l'alchimie a aussi un côté vie de l'esprit qu'il faut se garder de sous-estimer, un côté psychologique, dont on est loin d'avoir tiré tout ce qu'il y a à en tirer. Il existait une philosophie alchimique, précurseur titubant de la psychologie la plus moderne. Le secret de cette philosophie alchimique, et sa clé ignorée pendant des siècles, c'est précisément le fait, l'existence de la fonction transcendante, de la métamorphose de la personnalité, grâce au mélange et à la synthèse de ses facteurs nobles et de ses constituants grossiers, de l'alliage des fonctions différenciées et de celles qui ne le sont pas. En bref, des épousailles dans l'être, de son conscient et de son inconscient. Mais de même que les débuts de la chimie scientifique ont été marqués par des représentations fantastiques et des affirmations toutes gratuites qui la défiguraient et créaient la confusion, de même, la philosophie alchimique, gauchi par les malentendus concrétistes d'un esprit encore grossier et non différencié, n'est point parvenu à une formulation psychologique de ses constatations et de ses problèmes, bien qu'une intuition on ne peut plus vivace des vérités fondamentales ait enchaîné la passion des penseurs du Moyen-Âge au problème de l'alchimie. À travers ce texte se trouve résumée toute l'étude de notre émission d'aujourd'hui. Précisons tout de suite que l'alchimie va être abordée sous l'angle de la psychologie jungienne et que par conséquent nous n'allons pas, au cours de cette émission, effectuer une étude encyclopédique sur l'alchimie, en particulier sur l'alchimie opérative, qu'il ne s'agit pas non plus d'ailleurs ici de condamner. Il s'agit simplement de nous en tenir de façon très stricte au sujet de nos émissions consacrées à la psychologie de Carl Gustav Jung et aujourd'hui aux œuvres de Carl Gustav Jung consacrées à l'alchimie. Dans la seconde partie de notre émission, nous en viendrons d'ailleurs à étudier plus en détail une notion que nous avions déjà envisagée, mais que l'on retrouve tout au long de l'alchimie, et qui est la notion de la dualité, puis de la complémentarité des contraires. Mais tout d'abord, j'ai demandé à Étienne Perrault, qui consacre une part importante de sa vie à traduire les écrits de Carl Gustav Jung relatifs à l'alchimie, je demandais à Étienne Perrault de retracer la place de ses ouvrages dans l'œuvre de Carl Gustav Jung. Il affirme que cette psychologie n'a été fondée historiquement que lorsque, dans un grand ouvrage, qui est son dernier grand livre, Mysterium Conjunctionis, que j'ai traduit, il a repris toute sa psychologie en sous-œuvre, en utilisant comme matériaux les symboles alchimiques. Comme, vous savez, les bâtisseurs chrétiens de l'époque romane réemployaient des colonnes païennes pour leur temple. En 28, Richard Wilhelm lui a envoyé un traité alchimique taoïste, Le secret de la fleur d'or, décrivant une évolution intérieure aboutissante à la formation d'un corps de lumière et d'une fleur d'or, dont la lecture a été pour Jung un coup de foudre. Ça a été, dit-il, le premier rayon de lumière qui est venu pénétrer dans ma nuit. Ça a été le premier maillon auquel j'ai pu raccrocher mes propres expériences. Puis, 5 ou 6 ans après, il a été amené à acheter un ouvrage alchimique du XVIe siècle, L'Ars Aurifera, qui restait, dit-il, de longs mois sur sa table, sans qu'il ait le courage de s'y plonger, en se disant, chaque fois qu'il l'ouvrait, qu'est-ce que c'est que ce tissu d'absurdité ? Puis il s'est mis à décrypter ce livre, il s'est aperçu qu'il y avait là comme un langage chiffré dont on pouvait établir le code. Et peu à peu, la lumière s'est faite en lui, il s'est aperçu qu'il trouvait dans ses formulations l'expression la plus proche de ses propres découvertes, et qui plus est, au fur et à mesure que ses recherches bibliographiques augmentaient et s'enrichissaient, il s'apercevait que ces images des vieux auteurs reproduisaient souvent des images que ses patients venaient lui apporter sans en connaître la signification et sans savoir, évidemment, à plus forte raison, qu'elles avaient déjà été publiées par un auteur de 5 ou 6 siècles plus anciens. Alors, il s'est aperçu que l'alchimie offrait une contrepartie, ou plus exactement un complément, à la vision chrétienne de l'évolution intérieure. Précisons tout de suite que, dès 1936, dans Traum Symbol des Individuation Processes, Carl Gustav Jung nous présentait déjà ses conceptions, ses premières conceptions après l'étude des traités alchimiques. Et il étudie à nouveau cela et nous le précise en 1937 dans Les représentations du salut dans l'alchimie, Die Erlösung Vorstellungen in der Alchemie. Mais Étienne Perrault, comment se présentent psychologie et alchimie, paru en 1944 chez Racher à Zurich. Psychologie et alchimie, ce livre capital de Jung, dont nous attendons vainement la traduction depuis 25 ans, et dont j'espère qu'un jour ma traduction finira par paraître, eh bien, ce livre de psychologie et alchimie est fait d'une succession de 60 rêves cités par Jung sur 350 que le sujet lui avait apporté, qui montre un cheminement vers cet accomplissement qu'est la pierre philosophale, cheminement dont la caractéristique est qu'il a été le fait d'un homme qui n'avait aucune connaissance des grimoires et qui n'avait au départ qu'une mentalité de son siècle et une ignorance à peu près complète, et complète sans doute même, de ce qu'il attendait. Je voudrais vous citer encore un texte, un très court texte, extrait de Psychologie und Alchemie, où Carl Gustav Jung nous dit « Le secret consistait, tout comme dans le processus d'individuation, en une transmutation de la personnalité par le mélange et la combinaison d'éléments nobles et vils, des fonctions différenciées et intérieures du conscient et de l'inconscient. » Et il nous précise également dans Psychologie und Alchemie l'opus chrétien était un opérari de ceux qui avaient besoin d'être délivrés en l'honneur du Dieu Sauveur, tandis que l'opus alchimique était l'effort de l'homme salvateur qui s'appliquait à l'âme universelle divine, sommeillant dans la matière et attendant la délivrance. Mais Étienne Perrault avait déjà tout à l'heure établit la liaison entre les figures alchimiques et les archétypes que nous avons étudiés lors d'une émission précédente consacrée aux archétypes et aux symboles. Voici d'ailleurs dans l'ouvrage « Ma vie » ce que Carl Gustav Jung nous dit à ce sujet. En étudiant les vieux textes, je me rendis compte que tout trouvait sa place, le monde des images de l'imagination, le matériel empirique dont j'avais fait collection dans ma pratique, ainsi que les conclusions que j'en avais tirées. Les images originelles et l'essence des archétypes passèrent au centre de mes recherches. Et il devint pour moi évident qu'il ne saurait exister de psychologie, et encore bien moins de psychologie de l'inconscient, sans base historique. C'est dans l'importance que l'alchimie eut pour moi que je vois mon lien intérieur avec Goethe. Le secret de Goethe est d'avoir été empoigné par le lent mouvement d'élaboration et de métamorphose archétypique qui s'étend à travers les siècles. Il a ressenti son Faust comme un opus magnum ou divinum, un grand œuvre ou une œuvre divine. C'est pourquoi il se trouvait dans le vrai quand il disait que Faust était sa principale affaire. C'est pour cela que sa vie fut encadrée par ce drame. On perçoit de façon impressionnante que c'était une substance vivante qui agissait et vivait en lui, celle d'un processus suprapersonnel, le grand rêve du mundus archetypus, du monde archétypique. Avant de poursuivre notre étude sur l'aspect philosophique et transcendantal de l'alchimie, je vous propose de nous attarder un peu à cet exemple d'une alchimie vécue et qui est précisément l'exemple non seulement de Goethe à travers son Faust, mais aussi l'exemple de Goethe dans sa vie. J'ai évoqué ce problème de la vie de Goethe et de l'alchimie avec Marie-Louise von Franz à Küsnacht. Et avant d'entendre cet extrait de notre entretien, je vous rappelle que l'anima, c'est la part féminine que tout homme porte en lui, qu'il projette sur une femme dont il tombe amoureux, qu'il voit à travers cette part féminine et non pas telle qu'elle est, dont il tombe donc amoureux, une aventure qui est arrivée à Goethe à un âge fort avancé de sa vie. Goethe avait encore le sentiment ce que c'était au fond l'alchimie. Il a touché tout près de ce problème. Il a compris que c'était de la psychologie, que c'était le drame de l'homme là-dedans. Seulement, alors Jung avait un grand criticisme aussi contre Goethe, et ça veut dire qu'il n'a jamais pu intérioriser complètement le procès parce qu'il était un extraverti. Alors vous voyez que par exemple l'anima, jusqu'à ce qu'il avait 80 ans et plus, lui a toujours encore échappé dans la projection à l'intérieur. Si vous pensez à vos jeunes dames, qu'il s'est tombé encore en rumuré à ce temps. Et ça vous le voyez miroiter dans le Faust, que quand il fait le homunculus, quand le homunculus voit la belle Galatea dans la Égéiche, alors la rétorte éclate. Psychologiquement, ça veut dire à ce moment, il avait formé, pour ainsi dire, le noyau immortel de sa personnalité, le homunculus, la pierre philosophale. Mais alors arrive une belle dame, boups, tout sort de nouveau à l'extérieur. Et il le voyait de nouveau dans la belle dame qu'il a rencontrée. Donc l'animal lui est toujours sorti à l'extérieur, il n'a pas pu tenir ça à l'intérieur. Et à la fin, et ça c'est le second criticisme, ce qui n'est pas tellement le problème de Goethe, par exemple. Jung avait le sentiment que Goethe décrivait ce qui arrivait après en Allemagne. C'est qu'après, Faust a cette terrible inflation de pouvoir et il tue Philémon et Baucis. Ça veut dire qu'il tue le couple pieux qui honore encore les dieux et qui respecte les dieux pour élargir la terre dans la mer. Alors il est possédé par la folie des dictateurs. Mais quelle est l'histoire de l'alchimie? Nous citerons simplement pour mémoire les origines légendaires de l'alchimie. Dieu lui-même aurait révélé à Adam les grands principes de celle-ci, et le secret de l'enseignement aurait été révélé par Raziel, l'ange des mystères, à Enoch, assimilé à Hermès, dont nous allons parler, et aussi à Idris du Coran. Puis ainsi, l'enseignement serait descendu à Abraham, à Moïse et à Job. Une autre origine légendaire, c'est celle des anges qui étaient tombés amoureux des femmes, qui sont par conséquent descendus sur terre, et qui auraient révélé aux hommes la connaissance des grands principes principes de la nature. Nous avons là, d'ailleurs, une allusion directe au chapitre 5 de la Genèse. Mais, en fait de certitude, la plus lointaine manifestation de l'alchimie, c'est certainement celle de l'Orient, en 4500 avant Jésus-Christ, chez les Chinois. Cependant, ce n'est qu'à partir du 3e siècle de notre ère que, véritablement, le taoïsme va se livrer à des recherches alchimiques. C'est en Égypte que l'art sacré est né, et plus précisément à Alexandrie, en pleine époque hellénistique. Et puis il y a, au 2e, 3e siècle, une très forte école en Grèce. Une école dont nous avons des témoignages écrits importants, en particulier à travers la collection nommée Corpus Hermeticum, et qui est une suite de dialogues entre des personnages divins sur des problèmes métaphysiques. Mais c'est surtout Alexandrie, comme je le disais à l'instant, qui est le berceau de l'alchimie, et la véritable époque, la grande époque de l'alchimie à Alexandrie, va de la fin du 3e siècle au début du 5e siècle, avec des noms comme Zosime, Marie la Juive, Synésius, etc. Après cette évocation de la période hellénistique et alexandrine, rappelons que les alchimistes préféreront toujours un patronage divin, celui d'Hermès Trismégiste, Hermès le trois fois grand. Hermès, le fils de Zeus et de Maïa. Hermès, qui apprit d'Apollon l'art de la divination, et c'est d'ailleurs pour cela que la verge d'or, le caducée, figure parmi les attributs d'Hermès. Hermès, qui était aussi l'interprète de la volonté divine, puisque c'est lui qui vient, après le déluge, demander à Deucalion ce qu'il désire. Et puis c'est aussi de lui, Hermès, qu'Amphion avait reçu sa lyre, et Héraclès son épée, ainsi que Persée, le casque d'Hadès et les talonnières qu'il transportait dans les airs. On le verra d'ailleurs à plusieurs reprises intervenir pour sauver Ulysse. Et puis Hermès devait aussi conduire les âmes des défunts jusqu'aux enfers. Il portait d'ailleurs à ce sujet un très joli nom, celui de Psychopompe, l'accompagnateur d'âmes. Mais nous avons vu que l'alchimie n'avait pas qu'une origine grecque, elle avait aussi eu cette grande période d'Alexandrie. Il ne faut peut-être pas s'étonner si nous voyons une assimilation du dieu égyptien Thoth avec Hermès, Thoth étant la forme grecque de Djéhouti, dieu créateur, inventeur de l'écriture en particulier. Et puis, si Hermès devait conduire les âmes des défunts aux enfers, lui, Thoth, était un juge peseur des âmes, et c'était aussi un magicien. C'est grâce aux savants coptes d'Égypte que les Arabes vont avoir connaissance de l'alchimie. Il faut rappeler qu'à ce moment de leur histoire, les Arabes étaient en avance sur tous les autres peuples de par leur connaissance scientifique et qu'ils possédaient également une école philosophique extrêmement développée. Nous reviendrons d'ailleurs tout à l'heure sur le thème de la nature parfaite ou Haltiba, Haltam, et nous verrons ses concordances et ses rapprochements avec les thèmes de la psychologie des profondeurs. Quelques grands noms parmi ceux des alchimistes musulmans, Yabir ibn Ayan, qui se préoccupa de mathématiques célestes et de chimie, Avicenne, qui fut un grand médecin, Al-Ghazali, qui rejeta totalement les opérations matérielles de l'alchimie pour s'en tenir à une alchimie spirituelle, celle que l'on peut appeler Kimia es-Sahada, l'alchimie de la félicité. Mais comment l'alchimie des Arabes est-elle parvenue en Occident ? Tout d'abord à travers la renommée du califat de Cordoue, renommée qui atteignit son apogée au Xe siècle, et puis à travers les croisades. Et c'est au XIIe siècle que le premier ouvrage est traduit de l'arabe en latin, il s'agit du Turba Philosophorum, la tourbe des philosophes. D'autres textes vont suivre, dont en particulier la célèbre table d'émeraude, en latin Tabula Smaragdina. Cependant, comment la chrétienté et comment plus particulièrement l'Église catholique vont-elles admettre l'alchimie ? C'est ce que j'ai demandé à Zurich à Marie-Louise von Franz. Les sciences naturelles que les Grecs ont développées et que la technique des Égyptiens a aussi développée dans l'Antiquité se sont arrêtées avec le christianisme. Ça a fait un arrêt tout court et non, ça n'a plus été développé. Comme toutes les sciences naturelles, c'est revenu en Europe, comme ça au 10e, 11e, 12e siècle, par les Arabes. Et l'alchimie a pris part de ça. Et comme le christianisme refusait, pour ainsi dire, le problème de la matière appartenait plus ou moins au prince de ce monde et au diable, etc. Et le corps et la matière, ce n'était rien. L'intérêt pour le problème de la matière et pour le problème de la physique moderne, donc ce qui est maintenant microphysique, est tombé dans le domaine souterrain, négligé, pour ainsi dire, dans l'inconscient de l'humanité. L'inconnu de la matière et l'inconnu de la psyché sont devenus un et étaient ce qu'on appellerait les sciences occultes, les fantaisies occultes, païennes, non chrétiennes, etc. Et c'est là encore le préjugé en France, c'est que l'alchimie au Moyen-Âge était très proche de l'occultisme. L'attitude consciente du premier millénaire chrétien était une spiritualisation extrême. Tout l'intérêt pour la matière, pour la nature, pour les mystères de la matière, pour ainsi dire, et aussi de la psyché inconsciente, se sont mêlés dans la corbeille à papier. C'était les choses réfutées, pour ainsi dire. Et nous savons que depuis le XIIe siècle, et après encore plus visiblement d'après dans la Renaissance, tout cet intérêt pour la nature est revenu. D'abord, c'est pour ça que l'alchimie a fait une grande résurrection pendant la Renaissance, par exemple, et après, c'est lentement développé dans la chimie. Toutes les sciences ont une fois commencé avec des fantaisies mythologiques. On parle encore aujourd'hui d'affinité, par exemple. Nous parlons encore dans la psychologie de sublimation, nous employons une expression chimique, il y a encore du mélange. Et avec ça, venait avec la Renaissance un mouvement d'extraversion, c'est-à-dire un intérêt pour l'objet de la matière extérieure, avec la projection chrétienne qu'elle est morte, ce qui est très douteux, mais c'est ce qu'on pensait à ce temps, et tout le reste on a enlevé. Alors ce reste qu'on a encore une fois éliminé, pour ainsi dire, Jung l'a ramassé et s'est dit, toutes ces fantaisies qui ne vont pas pour la matière sont au fond l'information de ce qui va dans notre inconscient. L'or du Rhin de Richard Wagner. Le nain Alberic, qui est le roi des Nibelungen, a ravi aux filles du Rhin l'or dont elles avaient la garde. Et à partir de cet or, le nain Alberic s'est fait faire par le forgeron Mime un anneau, un casque magique, une épée, qui lui accorde un pouvoir absolu. Mais au même moment, au royaume des dieux, une querelle a éclaté. En effet, le grand dieu Votan s'était fait faire par les deux géants Fafner et Fasolt une splendide demeure, un inaccessible château, le fameux Walhalla. Mais il fallait que Votan livre à Fafner et à Fasolt Freya, la déesse de l'amour. Bien entendu, Votan, une fois en possession du château, se refuse à respecter ses engagements, et en dédommagement, Fafner et Fasolt veulent l'or du Rhin. Pour s'assurer que cet or leur reviendra, ils gardent une otage qui est Freya. Mais les dieux, en l'absence de la déesse de l'amour, commencent à languir. Il faut donc qu'une décision soit prise, et Votan décide de descendre au Nibelheim pour s'emparer de l'or. Les voici donc dans la forge des Nibelungen. L'alchimie mystique recherchait avant tout non pas une transmutation des métaux, mais l'or spirituel, c'est-à-dire à travers la transmutation du plomb, en réalité, la transmutation de la psyché humaine vers la notion de vérité et de beauté. Mais l'ars magna, là on partait de la constatation de la déchéance de l'homme étant une notion bien connue avec la chrétienté. Il y avait eu une dégradation de la nature. Il s'agissait par conséquent, à travers le suprême grand œuvre, de réintégrer l'homme dans sa dignité primordiale. Et la pierre philosophale, c'était par excellence la notion psychologique qui donnait une illumination à l'homme, une illumination physique et morale, et qui lui permettait par conséquent d'atteindre ces notions de beauté et de vérité que nous évoquions à l'instant. La pierre philosophale, c'était une notion d'absolu. Il serait beau maintenant, Étienne Perrault, d'évoquer les processus, mais en premier lieu, le vocabulaire de l'alchimie. Il n'y a pas à proprement parler de vocabulaire alchimique orthodoxe. Chacun exprime les opérations suivant son symbolisme. Il reste que tout de même, au cours des âges, un certain nombre de termes ont acquis une valeur plus particulière en raison de la fréquence de leur emploi. On peut décrire l'œuvre de la façon suivante. Au départ, on prend un corps qui reste à découvrir, il n'est jamais nommé, c'est le premier secret alchimique. Ce corps doit être transformé en matière première. La matière première est un chaos, analogue au chaos qui régnait au premier jour de la création, avant que Dieu n'ait séparé la lumière des ténèbres. Puis, du sein de ce chaos, progressivement, apparaîtront des étincelles de lumière qui se transformeront en une grande lumière, laquelle culminera dans la lumière moderne qu'est la pierre philosophale. Mais voyez que j'ai été incapable, en m'exprimant ainsi, de m'éloigner d'une certaine ligne alchimique, car il y a d'autres manières de dire la chose. Il y a, peut-on dire, deux principes au départ, le principe mâle et le principe femelle. Le principe mâle, c'est le soufre, le principe femelle, c'est le mercure. Nous retrouvons ici le vocabulaire universel, le yang et le yin chinois. Il est curieux de remarquer que le soufre, en grec, porte un nom qui signifie également la chose divine, teion, c'est la même chose. Quant au mercure, il est appelé, également par les alchimistes grecs, l'eau divine, teion udor, qui signifie, vous voyez, en même temps, l'eau de soufre. C'est la réunion de ces deux principes que l'on appelle la conjonction, ou encore les noces chimiques, desquelles sortira l'androgyne, le rébis, la chose double, qui est l'enfant des philosophes, la pierre philosophale dans son état premier. Il est dit dans les ouvrages que ce corps, lorsque la conjonction a été opérée, doit subir une cuisson progressive pour parvenir à l'éclat de la pierre divine. Une autre façon de s'exprimer est de montrer une succession de couleurs. La première couleur à obtenir, qui est la couleur de la materia prima, c'est la couleur noire, la nigredo, que les alchimistes appellent noir plus noir que le noir, nigrum, nigrius, nigro. Il y a, pour célébrer cet arcane, arcane terrible car le noir c'est l'obscurité de l'enfer, mais en même temps divin car c'est l'arcane, le grand arcane, l'arcanum maximum, sans lequel on ne peut pas parvenir à la pierre. Pour célébrer donc cet arcane, les alchimistes déploient un luxe d'imagination extraordinaire. J'ai relevé dans le dictionnaire de Pernetti une vingtaine ou une trentaine de synonymes. C'est l'aile de corbeau, c'est la tête de corbeau, c'est la tête de mort, la tête de mort, c'est la même chose. C'est l'Éthiopien de la Bible, c'est la prison, c'est la tombe. De ce noir, on passe au gris, qui est la couleur de Jupiter, de la planète Jupiter, qui a pour métal l'étain, métal dont la couleur est grise. Ce gris est l'intermédiaire entre le noir et le blanc qui viendra ensuite. Le blanc, c'est la couleur de la lune. C'est l'albédo. C'est une lumière paisible obtenue par la grande opération appelée par les uns lavage et par les autres cuisson, et qui s'opère sur cette materia prima, sur cette nigredo que l'on avait obtenue. C'est le stade, donc, de la lune. Du blanc, on passera, si l'on veut, au cuivre, à la couleur du cuivre, à la couleur de Vénus, donc au jaune feu. Et cette couleur est encore lépreuse, disent les alchimistes, car le cuivre est un métal oxydable, il se recouvre de vert de gris, et l'on parviendra à la plénitude, à l'accomplissement, avec le stade de l'or, qui est le règne du soleil. Vous voyez, comme par diverses voies, on trouve la même progression. C'est toujours le passage de l'imperfection à la perfection, de l'obscurité à la lumière. Après ce rappel des fonctions opératives, voulez-vous, Étienne Perrot, évoquer pour nous les figures qui correspondent en alchimie à la psychologie analytique? Et la première à laquelle je pense est celle qui a trait à la première grande opération de l'œuvre intérieure que Jung appelle la dissolution de la conscience, c'est-à-dire le passage du conscient vers le bas qui permet aux eaux inférieures, aux eaux de l'inconscient, de monter. C'est ce que les alchimistes appelaient donc la putréfaction. Ils disaient que la putréfaction provoquait l'état de chaos, où les éléments qui étaient auparavant disposés dans un certain ordre étaient entremêlés, ce qui n'allait pas sans provoquer dans la matière des phénomènes spectaculaires, inquiétants, voire dangereux. Et, nous le savons, cette opération de descente dans l'inconscient ne va pas sans certains risques, lesquels motivent d'ailleurs la présence d'un guide auprès du voyageur qui s'aventure dans ces zones dangereuses. Ça, c'est la première opération. Les manuscrits la figurent par une tombe dans laquelle se trouve un cadavre, ou encore par une tombe dans laquelle une femme est enlacée par un serpent. C'est une image d'Atalante fugitive. C'est encore la prison dans laquelle un vieillard se trouve enfermé pour rajeunir ensuite. C'est l'image du vieux roi qui meurt ou qui est mis à mort parce que devenu vieux pour recouvrer dans la personne de son successeur une jeunesse nouvelle. Voilà les images du premier stade. Après cela, les manuscrits et les auteurs font assister à la sortie de la mort, au passage de la couleur noire à la couleur blanche, sous forme notamment de serpents qui sortent du plomb ou qui sortent de la boue, serpents qui sont soit blancs, couleur de l'eau, de la vie qui recommence à couler, ou qui sont verts, couleur de la vie croissante. Le serpent vert de Goethe, rappelez-vous, n'est-ce pas? Ce sont des symboles de ce qu'ils appellent l'énergie mercurielle, qui est l'énergie rendue libre, l'énergie de l'inconscient libérée et ayant accès cette fois à la conscience. Les alchimistes disent que cette énergie mercurielle a pour symbole, à un stade de maturation, la lune hermétique. Et le rapport en alchimie est très étroit, puisque la lune et le mercure sont deux formes très voisines, deux symboles très voisins, n'est-ce pas ? Le stade auquel nous pensons est également figuré par le lion vert. Le lion est une autre image de la force inconsciente devenue consciente, qui ici passe du noir, parce qu'il y a aussi le lion noir, du lion noir au lion vert. Et ensuite, on aboutira à la couleur dorée ou à la couleur rouge, au lion d'or, au lion rouge, qui ont pour analogue le soleil hermétique, qui représente le soi jungien. Le soi est un soleil. Jung met en parallèle le soi et le Christ. Le Christ est le soleil de justice. Et la pierre philosophale est également un symbole et du Christ et du soi, vous voyez. On voit encore dans l'alchimie comme représentant ce stade le rubis, la pierre rouge, l'escarboucle, encore la grenade, voyez-vous, qui s'ouvre, qui fait éclater son écorce et qui répand ses graines comme la pierre philosophale tend à se multiplier, comme l'homme qui est parvenu à un certain degré de conscience, à la conscience que Jung appelle soi, fait rayonner cette conscience autour de lui et multiplie en somme cette énergie. Ce qui est remarquable, c'est que des sujets qui n'ont jamais lu un ouvrage alchimique, qui n'ont jamais vu un symbole alchimique, peuvent très bien voir affleurer dans leur rêve de semblables images que l'on ne pourra interpréter correctement qu'en les reliant à leurs antécédents historiques. Marie-Louise von Franz, voulez-vous nous évoquer un cas très précis d'apparition d'une figure alchimique dans un rêve ? Il y a un fameux texte alchimique qui s'appelle Ripley Scroll, et sur ce texte, il y a une image d'un grand aigle avec une tête humaine de roi avec une couronne. Et le roi se tourne en arrière et commence à manger les plumes de ses ailes. D'abord, c'est la sublimation. L'aigle, c'est la sublimation quand, pour ainsi dire, la vapeur monte au ciel comme un aigle, quand on évaporise une substance. Et après, quand ça commence à retomber, se précipiter, c'est le moment où le roi mange ses ailes et alors retombe par ça sur terre. Jung a analysé une femme américaine complètement non éduquée, vous savez, comme les Américains n'ont pas des connaissances historiques. Et elle a fait un dessin d'un roi avec des ailes d'aigle qui le mangeait. Elle n'avait jamais vu le Ripley Scroll. C'est quelque chose de très rare dans un musée. En fonction des interdits de l'époque, comment était exprimée la relation de l'homme avec son anima ? Par exemple, vous avez l'idée que dans le plomb, il y a un pigeon blanc qui représente l'anima de la matière et qui est aussi peut-être des fois l'anima du cosmos. Et alors il y a des magnifiques fantaisies où ce pigeon se transforme dans la reine de Saba qui vient pour se marier à Salomon, etc. Ils ont pris le Cantique des Cantiques pour illustrer ce qu'ils voulaient expliquer avec l'union avec l'anima. Et vous avez alors là des magnifiques des poèmes d'amour. Puis il y avait encore le problème de l'anima a été représenté. Il disait par exemple que l'affinité chimique pouvait être décrite entre l'inceste entre Isis et Osiris. Et alors il y avait tout le problème d'amour projeté dans cette forme-là. Vous avez toutes les formes, surtout le Cantique des Cantiques a été naturellement exploité alchimiquement, comme vous pouvez vous imaginer. Parce que c'était la symbolique avec laquelle il pouvait exprimer un amour pas spirituel. Marie-Louise von Franz, l'alchimie, qu'elle soit opérative ou qu'elle soit mystique, n'a plus que de très rares adeptes. Pensez-vous qu'il y ait une grande différence entre la psyché des hommes du Moyen-Âge, à une époque où l'alchimie était rayonnante, et la psyché de l'homme moderne ? Quand vous creusez dans l'homme moderne, vous retrouvez tout à fait les fantaisies des alchimistes. leur problème avec le cosmos, avec la matière, tout ça, c'est encore plein de ces fantaisies. Seulement maintenant, nous faisons une séparation, nous disons un c'est la chimie, l'autre c'est l'inconscient. Mais c'est pas si simple que ça, au fond, parce qu'ils se touchent quand même. À la fin de sa vie, Jung a revu qu'au fond, quand on descend dans les couches archéologiques de la psyché, finalement, on touche à une couche qui se touche, où on doit faire des concepts qui se couvrent avec la physique atomique. Donc, l'inconscient, dans ses dernières racines, touche le problème de la matière, vraiment. Seulement sur un niveau beaucoup plus compliqué et différencié. Nous, maintenant encore, nous ne savons pas comment la psyché et la matière se fusent. On a la médecine psychosomatique et on sait qu'il y a une connexion et on sait qu'il y a deux aspects qui se touchent, mais on ne sait pas encore comment ça marche. Donc il y a encore de l'alchimie moderne, il y a toujours encore ce domaine mystérieux. Et toujours quand on ne connaît pas, on fait de la spéculation. On doit d'abord, vous voyez ça encore dans les physiciens modernes, ils disent toujours quand nous ne connaissons pas quelque chose, il faut d'abord, disons par exemple, Eddington dit, il faut avoir une sorte forme. On doit avoir d'abord une forme de pensée qu'on transforme dans une formule mathématique et puis on essaye si ça va avec le comportement de la matière. Donc nous faisons encore la même chose. Seulement, nous essayons maintenant avec des fantaisies mathématiques et des hypothèses modernes, mais nous faisons encore la même chose que les alchimistes. On pourrait encore aujourd'hui écrire une psychologie des hypothèses de la physique moderne, qui trahit toute la psychologie des physicistes modernes. Si Einstein s'écrie à bord, Dieu ne joue pas avec les dés, il trahit que quand il cherche les lois de la relativité, il cherchait Dieu. Puisque les lois qu'il a découvertes lui trahissent que Dieu ne joue pas aux dés. C'est une façon de parler, mais c'est plus qu'une façon de parler. Donc il y a encore toujours la fascination que c'est Dieu dans la matière, ou c'est le mystère de la nature, ou on pourrait dire l'esprit qui est derrière cette fabrique fantastique de la nature, cette chose inconnue qui fait les lois de la nature, qui sont merveilleuses et mystérieuses. Ils le cherchent encore aujourd'hui. Ils font d'autres fantaisies. Mais c'est toujours encore la psyché de l'homme qui explore la matière et qui projette des images et après décrit. La matière s'en fiche, nous ne savons pas ce que c'est. Nous regardons comment elle se comporte et après nous faisons des fantaisies. Ou disons maintenant des fantaisies mathématiques. C'est le nouveau style depuis Descartes. Dans le Timée de Platon, lorsque Timée prend enfin la parole après l'exposé de Critias, Timée tout d'abord fait une distinction entre une essence immobile et une autre essence qui, elle, est sujette au mouvement, qui est sujette à la génération. Et enfin, il nous parle d'une troisième espèce qu'il ne qualifie pas de façon très précise. Il nous dit simplement qu'elle est difficile et obscure. Tantôt il l'appelle porte-empreinte de toute chose, ou bien réceptacle, ou bien mère. Mais cette troisième espèce, que nous maintenant nous appellerions vraisemblablement la matière, nous la voyons déjà contenir les fameux quatre éléments que nous allons retrouver tout au long de l'histoire de la philosophie. Il y a l'élément feu, la flamme, il y a la partie humidifiée qui est l'élément humide, mais chez Platon tout de même ne sont pas encore exactement différenciés la terre ou l'air, puisqu'ils semblent nous apparaître selon les proportions dans lesquelles cette espèce invisible et sans forme reçoit les images de la terre et de l'air. C'est grâce à cette espèce invisible et sans forme donc que le devenir va sortir du chaos et que peu à peu vont se former les quatre corps, nos fameux quatre éléments, qui ne sont en réalité que des agglomérats changeants de la matière. Alors, pour en revenir à notre alchimie, nous avons vu avec Étienne Perrault l'importance du soufre et du mercure. Le soufre et le mercure, ce sont deux qualités de la matière. Le soufre présentant les propriétés actives, tandis que le mercure, par contre, présente les propriétés dites passives, comme la volatilité, la malléabilité. Le mercure C'est donc la matière, le principe passif, féminin, le soufre. C'est la forme, le principe actif, masculin. Et enfin, nous voyons apparaître un troisième terme qui est le sel. Le sel ou le mouvement. Ou le troisième terme qui, n'étant pas sur un plan théorique mais sur un plan pratique, va permettre de surmonter le dualisme du soufre et du mercure grâce à ce sel ou arsenic. Mais cette dualité, nous la retrouvons comme souci essentiel tout au long de l'œuvre de Carl Gustav Jung. La dualité est à l'origine, est à la base de l'énergétique psychique, nous l'avons vu lors d'une émission précédente. Mais ce qui importe à Carl Gustav Jung, c'est ce troisième terme, ou symbole unificateur, qui permettra d'atteindre non plus l'opposition des opposés, mais la complémentarité des opposés. Ce souci dans l'œuvre de Carl Gustav Jung, le docteur Liliane Fréron de Zurich nous le rappelle ici. Un de ses derniers livres était « Le mystère de la conjonction ». En somme, c'était son problème, n'est-ce pas? À travers toutes les décades, c'était l'union des opposés, c'était l'union du féminin et du masculin, l'union du bien et du mal, l'union du conscient et de l'inconscient. Et toujours, n'est-ce pas, l'intégration des opposés. Ce qui était la grande différence par rapport à Freud. Freud n'avait pas ce problème. Freud recherchait toujours les causes dans tout ce qu'il faisait. Mais Jung cherchait toujours le but, et le but était vraiment l'union des opposés pour devenir complet. Mais coïncidentia oppositorum ou complexio oppositorum, en avons-nous une trace dans l'histoire de la psychologie avant Carl Gustav Jung? Eh bien, chez Héraclite, on découvre déjà une loi psychique remarquable, celle de la fonction régulatrice des contraires qu'Héraclite avait appelée énantiodromia. Héraclite nous laissait entendre que tout passe une fois par son contraire. Mais cette vision de la dualité des contraires, doit-elle nous rendre pessimistes et doit-elle nous donner une vision négative de la psyché, puisqu'alors il n'est aucune certitude si, en un fait, il y a son contraire qui peut se présenter aussi valable? Carl Gustav Jung nous rassure dans la psychologie de l'inconscient. Il dit « C'est naturellement une erreur fondamentale de croire que si nous distinguons ce qu'une valeur précédemment hissée sur le pavois comporte de non-valeur ou une vérité d'inexactitude, cette valeur ou cette vérité se trouvent annulées. Elles sont seulement devenues relatives. Il ne s'agit pas de viser à une conversion radicale, prenant le contre-pied de tout l'état de choses antérieures, mais à une conservation des valeurs anciennes, auxquelles vient s'ajouter la prise en considération de leur contraire. D'ailleurs, cette notion de dualité, cette notion de division, et cette notion d'une partie connue et d'une partie inconnue, c'est une notion que nous avions étudiée, que nous avions vue lors de notre émission précédente consacrée au symbole. Et justement, en reparlant du symbole au sein de l'alchimie, il faut bien constater que lorsque les deux éléments du symbole peuvent être enfin fondus l'un dans l'autre, en une unité et une totalité inséparables, qui par conséquent dépassent la dualité et dépasse l'opposition des contraires. Eh bien, à ce moment-là, l'alchimie use de mots très précieux comme la conjonction, le mariage, et bien souvent la totalité inséparable est exprimée comme un véritable hermaphrodite. D'ailleurs, le but final du processus d'individuation, la totalité psychique, est représentée justement par le symbole du filius philosophorum hermaphrodite, comme Carl Gustav Jung nous l'explique dans Psychologie und Alchimie et dans Die Psychologie der Übertragung. Mais nous, occidentaux, sommes-nous bien armés vis-à-vis de cette conception de la dualité qui fut rejetée par la philosophie chrétienne? Carl Gustav Jung, toujours dans la dialectique du moi et de l'inconscient, nous met en garde. Malheureusement, notre esprit occidental, en conséquence de son manque de culture dans cette perspective, n'a même pas encore trouvé une notion, et encore moins une dénomination pour exprimer l'union des contraires à mi-chemin. Cette cheville ouvrière fondamentale de l'expérience intérieure, telle que l'exprime par exemple le Tao des Chinois. Une telle union des contraires, constitue à la fois le fait le plus individuel et l'accomplissement le plus rigoureux, le plus universel de la vie en nous et de son sens. Dans la dialectique du moi et de l'inconscient, Carl Gustav Jung nous informe donc qu'il existait une philosophie alchimique, précurseur titubant de la psychologie la plus moderne. Le secret de cette philosophie alchimique, et sa clé ignorée pendant des siècles, c'est précisément le fait, l'existence de la fonction transcendante, de la métamorphose de la personnalité grâce au mélange et à la synthèse de ses facteurs nobles et de ses constituants grossiers. De l'alliage, des fonctions différenciées et de celles qui ne le sont pas, en bref, des épousailles dans l'être, de son conscient et de son inconscient. À Paris, j'ai demandé à Élie Imbert de bien vouloir développer pour nous cette notion de fonction transcendante, secret de la philosophie alchimique selon Carl Gustav Jung, une fonction transcendante qui permet l'alliage des fonctions différenciées et de celles qui ne le sont pas. Mais la fonction transcendantale chez Jung ne correspond en rien, même si on l'appellera un principe, elle ne correspond en rien à un en soi ou à un pour soi dans le langage ou la terminologie sartrienne. Elle est la mise en relation, l'établissement, la considération de la relation qui peut se faire entre le conscient diurne et le conscient nocturne ou conscient onirique. Jung a appelé cela une fonction, parce que effectivement, cette relation du conscient diurne et du conscient nocturne joue dans le psychisme humain une fonction. Il assume une fonction qui est celle d'une autorégulation, c'est-à-dire que par la mise en rapport de ces deux pôles, mise en rapport qui s'établit dans le conscient diurne sur le mode d'une interprétation, d'une ouverture au rêve, et qui joue dans le conscient nocturne par une réaction à ce qui s'est passé dans la journée, non seulement aux événements, mais bien sûr aussi aux états de conscience de la journée. Cette mise en relation-là établit dans le psychisme humain l'assiste, et l'assiste dans son cheminement, dans son évolution, soit en le critiquant, soit en lui faisant des propositions, soit en le soutenant d'une façon ou d'une autre, soit en l'ouvrant dans les relations à autrui. Pourquoi l'appeler transcendantale? Parce que cette fonction-là dépasse le conscient. Autrement dit, elle est comme une donnée qui s'établit, qui ne se fait d'ailleurs pas d'elle-même. Pour s'établir, elle suppose au moins une bonne partie du travail dit analytique. Mais elle transcende le conscient. Elle transcende le conscient, et quand nous disons conscient, nous entendons par là le conscient au sens de la psychologie classique, la psychologie du 19e siècle, c'est-à-dire essentiellement le conscient diurne, puisque la reconnaissance d'un conscient nocturne ou onirique est une chose qui n'est pas encore pénétrée vraiment en psychologie. Il ne s'agit pas de se référer à une sorte de transcendance métaphysique ou à une sorte de transcendance en soi, car rien ne nous dit que ce soit un principe en soi. Simplement, le phénomène se donne comme si c'était un centre dynamique. Bien sûr, il ne s'agit pas du tout là d'un lieu géométrique. Comme s'il s'agissait d'un centre dynamique qui se réalise par le rapport du conscient diurne et du conscient nocturne. Nous sommes donc là, nous ne pouvons pas penser cela. Parce que notre pensée est encore, disons, répétons-le, encore pris dans des schèmes spatiaux, dans des schèmes de cloisonnement, dans des schèmes où il n'y a que des termes. Lorsque nous parlons relation, nous ne pouvons guère l'exprimer que dans un langage mathématique, mais le langage mathématique ou dans un langage affectif. Mais l'un et l'autre ne sont pas tout à fait adéquats. Alors qu'est-ce que nous en venons à dire? Nous en venons à conjoindre deux perspectives dont nous ne savons pas comment elles peuvent se conjoindre, dont nous savons par contre que l'une et l'autre sont infirmes, que l'une et l'autre autres sont dans la dépendance d'un champ d'expérience spatiale qui n'a rien à faire avec cette X psychique. Et nous disons, il existe une autorégulation qui est une relation, et cette relation joue, deuxième perspective, comme un principe qui serait le centre de ma personnalité et qui serait moi-même beaucoup plus que je ne le suis moi-même, dans mon conscient de la journée éveillée. Devant l'évolution de la pensée psychique actuelle et surtout de l'appréhension des jeunes vis-à-vis du monde, j'ai demandé à Gilbert Durand, l'auteur des structures anthropologiques de l'imaginaire que j'ai rencontré à Champéry, si l'on pouvait, dans cette perspective du dualisme contemporain, parler de la coincidentia oppositorum de Carl Gustav Jung. Il faut bien faire attention, n'est-ce pas, à la terminologie. Jung tient compte du dualisme, mais c'est une dualitude. C'est une coincidentia oppositorum, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, c'est un dualisme où les deux termes sont réconciliés dans un ensemble. Mais l'Occident a vécu d'un dualisme de l'exclusion. Et je dirais que la logique pilote de l'Occident, qui a été celle d'Aristote et qui l'est encore, même chez nos plus modernes structuralistes, c'est la logique de l'exclusion. J'exclus le noir, j'exclus le mal, j'exclus le non-bien, j'exclus ce qui n'est pas mon bien, etc. N'est-ce pas ? C'est une logique totalitaire et exclusive, reposant, vous l'avez fort bien dit, sur le dualisme. Cette logique a eu son application jusque vers 1905 dans les sciences. Mais comment situer le « en soi pour soi » de Hegel, alors ? Alors, je dis jusqu'en 1905, dans les sciences, elle a eu son application. Hegel a été un des premiers, et c'est pour ça que son importance a été si grande dans tous les courants de pensée du 19e siècle, a été un des premiers à essayer de résorber le dualisme dans la synthèse, n'est-ce pas ? C'est-à-dire de résorber la démarche du pour-soi qui constitue l'en soi, n'est-ce pas, dans quelque chose qui soit au-dessus ou englobant, n'est-ce pas, Auf Ebung, qui dépasse le pour-soi et l'en soi. Mais l'erreur de Hegel, c'est d'avoir situé cela dans le temps. Jusqu'en 1905, c'est-à-dire jusqu'à l'apparition de la relativité et surtout de plus tard de la mécanique quantique et de la physique moderne, toute la physique et toute la science vivaient en régime dualiste, d'exclusion, n'est-ce pas ? Ou bien, n'est-ce pas ? Si ça n'est pas vrai, c'est faux. Si c'est faux, si ça n'est pas faux, c'est vrai. Il y avait donc deux valeurs dans la logique. La physique, la microphysique, a obligé d'introduire des logiques bivalentes, trivalentes, multivalentes, à n valeurs. Ça, c'est très important. Bachelard l'avait souligné. Il appelait ça la révolution du nouvel esprit scientifique. Mais les sciences humaines n'ont pas utilisé, elles sont en retard, elles n'ont pas utilisé cette énorme découverte de la physique moderne sur le plan logique. De nos jours, il y a un grand penseur qui essaye de faire la synthèse à travers les sciences physiques, biologiques et psychologiques, c'est le théoricien Stéphane Loupasco. Dans le système de Loupasco, on voit apparaître des logiques de l'antagonisme qui sont très proches, précisément, de ce que Jung a découvert sur le plan de la psyché. Car dans la psyché, tout le régime psychique est un régime, comme on le dit, ambivalent, dans lequel on passe de la dualité d'exclusion à la dualitude, n'est-ce pas ? Dans lequel il y a en même temps et sous le même rapport le vrai et le faux, le bien et le mal, etc. Ces choses, n'est-ce pas, sont réintégrées dans la psyché. Elles sont constitutives. C'est d'ailleurs à partir de cela que la psychanalyse, même celle de Freud, a pu opérer, n'est-ce pas ? Elle a pu opérer à partir d'un tout et en essayant d'ordonner, non pas d'exclure, mais d'ordonner ce tout, n'est-ce pas ? Il ne s'agit pas d'exclure. Le psychanalyste n'est pas quelqu'un qui excommunie, qui exclut, qui coupe, qui purifie par le feu, n'est-ce pas ? Pas du tout, n'est-ce pas ? Mais il montre que dans telle condition et à un tel moment, telle chose doit être mise avant telle autre. Que ces conditions soient sociales, qu'elles soient familiales, qu'elles soient sexuelles, qu'elles soient, peu importe, n'est-ce pas ? Mais si vous voulez, c'est un nouveau moralisme, mais qui n'est plus celui de l'exclusion. Or, chez Jung, cette notion, beaucoup plus que chez Freud, devient fondamentale, n'est-ce pas ? On débouche, en effet, sur une vision du monde et de l'âme qui nous apparaît, à nous occidentaux, nouvelle, parce qu'elle n'est pas dans nos traditions occidentales, qui apparaîtrait à des orientaux beaucoup moins originale. Mais Jung en a parfaitement conscience, n'est-ce pas? Pourquoi fait-il souvent un appel au mandala, au tantrisme, au bouddhisme du grand véhicule, au bouddhisme mahayaniste? Simplement parce que ces corps de doctrine explicitement montrent ce qu'est la coïncidentia oppositorum, montrent comment le bien ne se définit que par rapport à un certain mal. Si vous voulez, comment le mal est nécessaire au bien. Et Jung l'a montré dans un ouvrage qui a fait scandale à l'époque, mais qui est admirable, qui s'appelle « Réponse à Job », et qui est traduit en français. Il montre comment, n'est-ce pas, on ne peut pas se satisfaire d'un, par exemple sur le plan théologique, d'un monothéisme qui aurait d'un côté Dieu et de l'autre un monde mauvais. Alors vous voyez que finalement tous les grands phénomènes de la conscience et de la valeur sont des phénomènes de dualité et non pas de dualité. Donc des phénomènes qui prêchent et plaident contre nos pédagogies qui sont des pédagogies de la dualité, de l'exclusion, n'est-ce pas ? Alors que faire ? Je crois que le philosophe de nos jours, enfin l'homme qui pense, doit faire deux parts dans sa vie. Et deux parts dont l'une est subordonnée à l'autre. La part scientifique, incontestable, indispensable, n'est-ce pas, technique, mais qui est subordonnée à la part que Bachelard appelait poétique. Mais allons plus loin, n'est-ce pas, on pourrait l'appeler la part psychique ou même pneumatique de l'homme, c'est-à-dire ce qui est esprit, qui doit absolument, n'est-ce pas, considérer le reste comme appartenant à lui-même, la raison, ses techniques et la science, mais comme subordonné à celui-même qui constitue cela. Et ça, Jung, je crois, l'a admirablement montré dans son œuvre. C'est ce qu'on peut en dégager, n'est-ce pas ? Mais c'est révolutionnaire. Et je crois que la vraie révolution, dans l'absolu même du terme, elle n'est pas dans les prolongements de systèmes qui se disent révolutionnaires, mais qui ont tous les mêmes méthodes. Quand on regarde les méthodes de certains casseurs, elles sont proches des méthodes des jeunes nazis de 1930, n'est-ce pas ? Et finalement, rien ne ressemble plus d'une façon monotone à ces petites révolutions et ces petits prononciamentos révolutionnaires que tout ce qui s'est passé au 19e siècle, tout ce qui s'est passé en Amérique du Sud, tout ce qui s'est passé en Allemagne nazie. La vraie révolution, elle est au niveau, je dirais, d'un changement de l'homme et d'un changement de la conscience de l'homme. Or, je crois que Jung apporte des moteurs autrement puissants que ceux que l'on nous propose. Même Marcuse, le pressant, n'est-ce pas ? Marcuse qui n'a pas lu Jung et qui le critique. Car pour lui, Jung, c'est de la métaphysique fumeuse. Eh bien, lorsqu'il fait l'appel à l'éros, lorsqu'il fait appel, n'est-ce pas, à des valeurs que nos civilisations ont contraintes, ont détruites, aux valeurs que Nietzsche rappelait dionysiaques, mais c'est encore faire du Jung sans le savoir, n'est-ce pas ? Marcuse est un monsieur Jourdain de la Révolution. C'est un révolutionnaire gentilhomme. Nuit, de Yanis Xenakis. Yanis Xenakis déclare « La musique étant un message véhiculé par la matière entre la nature et l'homme, ou entre les hommes entre eux, elle doit être apte à parler à toute la gamme humaine de perception et d'intelligence. Un courant constant entre la nature biologique de l'homme et les constructions de l'intelligence doit être établi. Sinon, les prolongements abstraits de la musique actuelle risquent de s'égarer dans un désert de stérilité. Nuit de Xenakis est dédicacée à des prisonniers politiques et pour vous, milliers d'oubliés dont les noms mêmes sont perdus. Parmi ces chants, ces cris qui rappellent ceux des Euménides et des Érinies, ne retrouvons-nous pas au-delà de l'ère chrétienne toutes ces voix qui poursuivaient Oreste. Étienne Perrault évoquait tout à l'heure pour nous la dissolution de la personnalité. Mais lorsque la personnalité est recréée, au-delà de la dualité, au-delà des opposés, elle parvient alors, comme nous l'avions vu lors de nos premières émissions, à un soi considérablement enrichi. À travers notre étude d'aujourd'hui sur l'alchimie, il est bon de revenir à une définition du soi. Et là, je la prends dans la dialectique du moi et de l'inconscient. Intellectuellement, le soi n'est qu'un concept psychologique, une construction qui doit exprimer une entité qui nous demeure inconnaissable, une essence qui ne nous est pas donnée de saisir parce qu'elle dépasse, comme en le pressant dans sa définition, nos possibilités de compréhension. On pourrait aussi bien dire du soi qu'il est Dieu en nous. C'est de lui que semble jaillir depuis ses premiers débuts toute notre vie psychique. Et c'est vers lui que semblent tendre tous les buts suprêmes et derniers d'une vie. Ce paradoxe est inévitable comme chaque fois que l'homme s'efforce de cerner par la pensée quelque chose qui dépasse la capacité de sa raison. Mais pour l'homme qui parvient à cet accroissement considérable de lui-même, à ce soi tellement enrichi, n'y a-t-il pas un danger, celui de la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, le danger de l'inflation? Étienne Perrault, reprenant ici la symbolique de l'alchimie opérative, nous montre que l'alchimie, précisément, connaissait déjà ce très grand danger de l'inflation. On peut dire que le soleil, l'or, a pour synonyme le rouge, qui est la couleur du rubis, qui est la couleur du vin rouge, liqueur de Dionysos, lequel, ne l'oublions pas, préside à toute l'œuvre alchimique, comme il présidait auprès de Déméter et de Perséphone, déesse des enfers, au mystère d'Éleusis. Le rouge, le rubis, l'escarboucle philosophale, la teinture rouge, la pourpre indélébile qui est celle des rois et dont le nom se trouve dans les textes alchimiques occidentaux depuis la Grèce, c'est-à-dire depuis les premiers textes que nous possédions. Et pour terminer, les alchimistes disent que l'on doit passer de ce rouge éclatant à un rouge plus atténué, au grenat. C'est que la pierre ne doit pas avoir un éclat inhumain qui la rendrait insupportable aux yeux des mortels et qui la rendrait, disent les auteurs, impropre à opérer. Elle doit s'humaniser, elle doit devenir maniable. C'est, si vous voulez, un métal brûlant que l'on ne peut pas utiliser, il faut le faire refroidir. Et ici, l'expérience jungienne nous fait comprendre en clair ce dont il s'agit. Jung explique que la réalisation du soi provoque dans l'être un déferlement d'énergie qui peut mettre en danger la personne. C'est ce qu'il appelle l'inflation. Il en a donné une description détaillée et une discussion dans le dernier chapitre de Dialectique du moi de l'inconscient, chapitre La personnalité mana. Il faut, dit Jung, que cette personnalité surhumaine s'humanise et que l'homme devienne capable d'intégrer le soi et de vivre au contact du soi comme si ce soi n'était pas là. Il est à la fois omniprésent et en même temps, il est pratiquement invisible. Il est invisible et puissant, vous savez, comme Agrippine dans Britannicus. Invisible et présente, j'étais de ce grand corps l'âme toute puissante. C'est exactement le rôle du soi au stade terminal de l'œuvre que Jung appelle l'intégration et que les alchimistes appellent la couleur grenat, le rouge diminué. Mais ce soi, dans sa coïncidentia oppositorum, est-il représenté par une figure héros ou dieu? Carl Gustav Jung nous le précise dans Métamorphose de l'âme et ses symboles. Le Christ, héros et homme-dieu, désigne psychologiquement le soi. Autrement dit, il représente la projection de cet archétype très important et très central. il a l'importance fonctionnelle d'un seigneur du monde intérieur, c'est-à-dire de l'inconscient collectif. Le soi, symbole de totalité, est une coincidentia oppositorum. Il renferme donc en même temps lumière et obscurité. Dans le personnage du Christ, les contrastes réunis dans l'archétype se sont distribués en partie dans le lumineux Fils de Dieu et en partie dans le diable. L'unité première des contrastes se reconnaît encore dans l'unité première de Satan et de Yahweh. Le Christ et le dragon de l'Antéchrist se touchent de très près dans l'histoire de leurs apparitions et dans leur signification cosmique. La légende du dragon, qui se dissimule sous le mythe de l'Antéchrist, fait partie de la vie du héros et pour cette raison est immortelle. Nulle part dans les formes les plus récentes du mythe, les couples d'opposés ne sont aussi rapprochés que dans le Christ et l'Antéchrist. Nos auditeurs auront parfaitement compris que lorsque nous parlons ici du Christ, nous l'envisageons en tant que symbole psychologique, et nous ne l'envisageons pas du tout sous son aspect théologique, sous l'aspect des trois principes divins de Dieu le Père, l'Esprit de Dieu et le Fils réunis dans la Trinité. Ceci me permet déjà, avant notre émission de la semaine prochaine sur la notion divine, de bien préciser que dans cette émission, nous envisagerons la notion divine sous l'aspect psychologique, en tant que facteur psychologique, et pas du tout sous son aspect théologique. Je rappelle que Carl Gustav Jung s'est toujours défendu d'être ou un philosophe ou un théologien. Dans Psychologie und Alchimie, Carl Gustav Jung a dit « L'opus chrétien était un opérari de ceux qui avaient besoin d'être délivrés en l'honneur du Dieu sauveur. » Tandis que l'opus alchimique était l'effort de l'homme salvateur qui s'appliquait à l'âme universelle divine, sommeillant dans la matière et attendant la délivrance. Nous avons vu aujourd'hui, avec cette émission consacrée à l'alchimie et à l'approfondissement de la notion du soi, combien il était important pour l'homme de parvenir à son âme personnelle sommeillant dans la matière et attendant la délivrance, car cette âme qui sommeille en notre matière et que nous n'avons pas exprimée, qu'est-ce sinon les virtualités qui sont en nous et que nous avons brimées ou que nous refusons de laisser s'exprimer au nom des conditionnements reçus à travers la société, à travers notre éducation. Je voudrais vous citer encore un très court passage de la dialectique du moi et de l'inconscient. Chacun a un sentiment de ce qui devrait être, de ce qui pourrait être, de ce qu'il devrait être. Ne pas tenir compte de cette intuition, s'en écarter et s'en éloigner, c'est faire fausse route. C'est s'engager dans la voie de l'erreur et, à plus ou moins long terme, déboucher dans la maladie. C'était Carl Gustav Jung ou la totalité de l'homme futur, une émission de Bernard Latour. Avec aujourd'hui Étienne Perrault de Paris, Marie-Louise von Franz de Zurich, Élien Baer de Paris, Gilbert Durand, professeur d'anthropologie culturelle et sociale à l'Université de Grenoble et au Centre universitaire de Chambéry. Émission réalisée avec le concours de Radio Zurich et de la Südwestfunk. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 14 septembre 1970. Elle est à réécouter en ligne et à télécharger sur le site franceculture.fr à la page des nuits de France Culture.